J'ai tout effacé, j'ai tout oublié. Ma réalité, je me l'invente, idéale, rassurante. On m'a fait trop mal, des éclats de balle. J'ai construit des murs où me cacher, des armures pour lutter. Et je ne crie qu'en silence, je garde ce que je pense pour rêver. Un amour voué. Oh.